Des stèles aux ferviseurs et inspections sont construits dans des unités d'activité pour transmettre les exploits mortels des grands hommes Baek-Tusan. Les stèles aux exploits mortels du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il à la ferme coopérative maraîchère de Gouryong de la ville de Saryon de la province du Fang et du Nord et à la ferme coopérative de Ryongham de l'arrondissement de Lanham de la ville de Chongjin de la province du Hangyong du Nord. La stèle à l'inspection du maréchal Kim Jong-un est construite à la fabrique des cahiers Mindulé. Les cérémonies de dévoilement ont eu lieu sur place.